Chapitre 3 La chevauchée des barons. Sur des chevaux noirs, sur des chevaux blancs, les hardis barons se sont mis en selle. De tout son désir, Pépin les harcèle. Barons et coursiers ont l'écume au flanc. Épris d'horizon et goulus d'espace, ils vont, écrasant dans les champs herbeux, troupeaux de moutons et troupeaux de bœufs, la moisson qui pousse et l'enfant qui passe. Ils vont devant eux, sans trop savoir où. Leur galop d'enfer, lui, dans la ténèbre. Un qui tombe pousse un grand cri funèbre, sa bête ayant mis les pieds dans un trou. Et toujours au loin le reste s'élance, des crêtes des monts aux crêtes des monts, criant et hurlant comme des démons, hâtant leurs chevaux à grands coups de lance. Oh, les râteliers d'où pendait le foin, épuisés, meurtris des coups qu'ils leur flanquent, les pauvres bidets s'usent et s'efflanquent. Pourtant la Hongrie est encore bien loin.